Livre troisième, une sainte institution. Chapitre premier, valeur d'une lorgnette d'opéra. Paris, cité de fashion, de plaisir, de beauté, d'opulence, de distinction, de talent, en un mot, de toutes les gloires de la terre. Cité de palais, qui ont vu sourire la Vallière et ricaner Scarron, sous les lambris desquels ont résonné les échos de la voix de Bossuet, que tous les fous du monde venaient entendre et s'en aller en larmes, uniquement pour oublier le lendemain ce qu'ils avaient entendu la veille. Glorieuse cité, dans laquelle un bon mot est plus fameux qu'une bonne action, qui est plus riche en souvenirs de Ninon de l'Enclos qu'en souvenirs de Jeanne d'Arc, pour laquelle Beaumarchais a écrit et Marmontel moralisé, que l'Écossais John Law infecta d'une folie furieuse dans ces jours heureux où le joyeux et facile Philippe d'Orléans, bon vivant accompli, était régent de France. Paris, que le jeune Arouet, plus tard Voltaire, gouverna la baguette, avec les mordantes saillies qu'il faisait retentir au loin dans sa retraite de Ferney. Paris, dans lequel Madame de Defens termina ses années si pénibles, si tristes, si ennuyées, si railleuses, en tenant un salon, en se querellant avec Mademoiselle de Lespinasse, ou en correspondant avec Horace Walpole, ce cher Horace qui parlait de ces brillantes dames françaises comme de femmes qui négligeaient tous les devoirs de la vie et donnaient de très jolis soupers. Paris, dans lequel Bailly harangua et Madame Roland rêva, dans lequel Marie-Antoinette se livra au désespoir et l'aimable princesse Élisabeth finit sa sainte vie, dans lequel le fils de Saint-Louis affronte avec calme le tranchant rouge de cette terrible machine inventée par le charitable docteur en vue de faire du bien à ses semblables. Cité, dont les murs virent trembler et suspecter le bilieux Robespierre, et sous les ombres de laquelle les glorieux 22 allèrent à la mort la main dans la main en chantant l'hymne de la liberté. Paris, se réjouissant à la victoire de Marengo et lançant des salves joyeuses aux victoires de Lodi, d'Arcole, d'Austerlitz, d'Averstadt et d'Iéna. Paris, qui prit le deuil après Waterloo et ouvrit ses bras, après de pénibles années d'attente, pour conserver dans son sein les cendres de l'empereur de son choix. Paris, le merveilleux, Paris, le superbe, cité dorée, dont les rues sont une suite de palais, merveilles de splendeur et d'art. Est-il possible que sous cette myriade de toits, il existe de ces bagatelles accidentelles, telles que la misère, la famine, le vice, le crime et la mort? Non, nous n'approfondirons pas la question. Nous entrerons de suite dans un des temples le plus encombré par la foule, dont la déesse s'appelle plaisir, élégance, folie et oisiveté. Transportons-nous de suite au stade de l'opéra. La salle est garnie de beauté élégante, de brillants uniformes étincelles dans le fond des loges et foisonnent dans le parterre encombré. Le roi citoyen est là, non pas le roi de France, un titre aussi mesquin ne lui convient pas, il ambitionne celui de roi des Français. Son trône est basé, non sur une étendue de pays, mais sur les cœurs vivants de son peuple. Cela n'est peut-être pas bâti sur des fondations bien solides, mais en 1838, tout est prospère pour Louis-Philippe et son heureuse famille. Au premier rang des stalles, près de l'orchestre, un grand jeune homme flâne avec sa jumelle à la main. Il est beau, très élégant, et vêtu avec le goût le plus parfait à la dernière mode. Sa chevelure noire est bouclée autour de son front blanc et délicat, ses yeux sont d'un bleu brillant, ombragés par des cils plus clairs que ses cheveux et mélangés d'or. Une moustache noire et épaisse cache presque sa bouche, mais révèle parfois sa lèvre mince inférieure et une rangée de dents d'une blancheur éclatante. Son nez est délicat et aquilin, et l'ensemble de ses traits porte le cachet aristocratique. Il est seul, cependant, et parmi la foule des personnes élégantes et distinguées qui l'entourent, pas une ne se retourne pour lui parler. Sa main blanche repose négligemment sur le dossier de la stalle qu'il occupe, tandis qu'il regarde autour de la salle en essuyant nonchalamment sa lorgnette. Son attention est bientôt attirée par la conversation de deux messieurs qui sont près de lui, et sans avoir l'air de les écouter, il ne perd pas une de leurs paroles. « La princesse espagnole est-elle ici ?» demande l'un. « Qui ? La nièce du marquis, la jeune fille qui a cette immense propriété dans l'Amérique espagnole ?»« Oui, elle est dans la loge voisine de celle du roi. Ne voyez-vous pas ces diamants ? Ils étincellent suffisamment pour mettre en feu les rideaux de la loge. » « Elle est immensément riche, alors. C'est un Eldorado. Le marquis de Cévennes n'a pas d'enfant, et toute sa fortune reviendra à la jeune fille. Sa propriété de l'Amérique espagnole lui vient de sa mère, elle est orpheline, comme vous savez, et le marquis est son tuteur. Elle est belle. Mais il y a un peu trop du démon dans ses grands yeux noirs en amande et dans cette petite bouche mutine. Quelle fortune pour un intrigant aventurier. Un aventurier. Valérie de Cévennes, la proie d'un aventurier. Montre-moi l'homme capable de la conquérir, sans une fortune et un rang égal au sien, et je vous dirai que vous avez trouvé la huitième merveille du monde. Les yeux de l'écouteur brillèrent d'un éclat étrange, et levant sa lorgnette, il regarda attentivement pendant quelques instants autour de la salle, puis fixement du côté de la loge voisine de celle occupée par la famille royale. La beauté espagnole était en vérité une splendide créature, une beauté aux formes superbes et aux teints admirables, mais ayant un air de hauteur et de résolution dans tous les traits de son visage. Un homme de 50 ans était assis à côté d'elle, et derrière son fauteuil se tenaient 2 ou 3 personnages, aux poitrines chamarrées de broderies et de décorations. Ils lui adressaient la parole, mais elle prêtait peu d'attention à leur discours. Si elle répondait, c'était par un mot ou par une inclinaison de sa tête altière, qu'elle ne daignait pas retourner de leur côté. Elle ne cessait de tenir les yeux fixés sur le rideau qui bientôt se leva. On représentait Robert le Diable. Le rôle de Robert était chanté par le grand artiste du jour, un jeune homme dont la magnifique voix et le beau visage avaient fait fureur dans le monde musical. On racontait plusieurs versions sur son origine. Les uns disaient qu'il avait été primitivement cordonnier, les autres qu'il était fils d'un prince. Il avait, quoi qu'il fût, réalisé une fortune à 27 ans et pouvait se permettre de rire de ses histoires. L'opéra commence et l'excellente jumelle du flâneur des stalles lui transmet les moindres changements du visage de Valérie de Cévennes. Elle la porte d'abord à un vague tressaillement et puis un serrement plus prononcé de ses lèvres minces. À l'apparition de Robert, les yeux du flâneur s'attachent plus fortement, si c'est possible, qu'auparavant sur la figure de la beauté espagnole. Bientôt Isabelle chante son grand morceau au pied de la croix. Et comme l'admirable mélodie éclate en un cri passionné de pitié et de supplication, quelque chose comme un appel semblable passe comme un éclair sur le visage de Valérie de Cévennes, dont les yeux noirs sont fixés non pas sur la chanteuse, mais sur le héros de la scène. Au moment où la salle entière applaudit à la fin de la mélodie, le bouquet de Valérie tombe aux pieds d'Isabelle. Robert le prend et le présente à la chanteuse. Pendant qu'il agit ainsi, la jumelle du flâneur, qui, plus rapidement que le bouquet n'est tombé, s'est retournée vers le théâtre, transmet un mouvement si rapide qu'il aurait pu passer pour un exploit d'escamoteur. Robert le Diable a retiré un billet du bouquet, le flâneur saisit le regard de triomphe lancé sur la loge voisine de celle du roi. Quoiqu'il soit rapide comme l'éclair, il voit le petit morceau de papier chiffonné dans sa main, et après un long et dernier regard sur le front hautain et les lèvres immobiles de Valérie de Cévennes, il abaisse sa lorgnette. « Cela vaut 15 guinées, se dit-il à lui-même. Cette jeune fille peut commander à ses yeux. Ils n'ont pas d'éclair qui les trahissent, mais ses lèvres minces ne peuvent taire un secret à un homme doué d'une dose convenable d'intelligence. » Quand l'opéra est terminé, le flâneur des stalles quitte sa place de l'orchestre et se promène devant la porte du théâtre, malgré la rigueur de l'hiver. Il s'est peut-être amouraché d'une charmante coryphée, charmante dans tout son éclat de couches de blanc et de rouge, et encore, cela ne peut être, car il fut resté dans sa stalle, où il voltigeait sur les côtés de la scène, car le ballet n'est pas fini. 2 ou 3 équipages appartenant au premier chanteur attendent à la porte du théâtre. Bientôt un homme de haute taille, à la tournure élégante, enveloppé dans un large pardessus, sort. Un groom ouvre la portière d'un petit brougham bien équipé, mais le gentleman dit « Non, Faré, vous pouvez rentrer, je marcherai. »« Mais, monsieur, représenta le laquais, monsieur ne sait pas qu'il pleut. » Monsieur répond qu'il sait qu'il pleut, mais qu'il a un parapluie et qu'il préfère marcher. Le brougham se retire avec le désolé Faré, qui va se consoler dans un café, où il joue l'écarté avec un jeu de cartes qui ressemble à du papier qui a servi à faire des papillotes et qui sont tout aussi transparentes que graisseuses. Le spectateur des stalles, immobile dans l'ombre, entend ce petit dialogue et s'aperçoit aussi, à la lueur des lanternes de voiture, que le gentleman en par-dessus n'est autre que le Robert de l'opéra. Le flâneur semble également indifférent à la pluie et avoir la fantaisie de marcher, car lorsque Robert le Diable traverse la chaussée et s'engage dans une rue opposée, le flâneur le suit. La nuit est noire, il tombe une pluie fine. Une nuit en aucune façon faite pour tenter un jeune dandy à braver tous les désagréments et les périls d'un pavé boueux et du trop-plein des gouttières. Mais ni Robert le Diable, ni le flâneur ne semblent se soucier de la boue et de la pluie, car il traverse plusieurs rues d'un pas rapide, le flâneur toujours à une petite distance derrière et dans l'ombre. Son pas est léger et n'éveille aucun bruit sur le pavé mouillé. Aussi le ténor à la mode n'a aucun soupçon d'être suivi. Il entre bientôt dans une rue retirée mais aristocratique d'un quartier solitaire de la ville. Le fracas éloigné des voitures et les pas d'une patrouille de gendarmes sont les seuls bruits qui rompent le silence. On ne voit dans cette large rue d'autres êtres vivants que les deux individus. Robert se retourne pour regarder autour de lui, ne voit personne et continue son chemin jusqu'à ce qu'il arrive à un hôtel au coin de la rue entouré d'un mur élevé avec de grandes grilles et une loge de portier. Détaché de l'habitation et presque caché dans un angle du mur, s'élève un petit pavillon dont les croisées donnent sur une cour en jardin intérieur. Attenant à ce pavillon est une porte étroite et basse en chêne sculptée, garnie de gros clous de fer et presque cachée dans l'épaisse maçonnerie du mur qui l'abrite. L'habitation était autrefois un couvent et est aujourd'hui la propriété du marquis de Cévennes. Robert le Diable, après avoir jeté un coup d'œil de tous les côtés dans la rue faiblement éclairée, approche de cette entrée et, se penchant sur le trou de la serrure, siffle doucement trois mesures d'une mélodie de Don Juan. « La chidaram, la mano. » Ainsi, dit le flâneur en se tenant dans l'ombre de la maison qui fait face, nous pénétrons plus profondément dans le mystère. Le rideau élevé et la pièce va commencer. Les horloges de Paris sonnent 11h30 et la petite porte tourne sur ses gonds. Une faible lumière dans la cour intérieure tombe sur la figure de Robert le Diable. Cette clarté vient d'une lampe tenue par la main d'une jeune fille élégamment vêtue qui a ouvert la porte. « Ce n'est pas la femme que je croyais, cette Valérie, » dit le flâneur, « ou elle aura ouvert la porte elle-même. Elle a fait de sa femme de chambre sa confidente, une faute qui prouve ou sa stupidité ou son inexpérience. Elle n'est pas stupide. Sa figure dément cette supposition. Inexpérimentée alors, cela n'en vaut que mieux. » Pendant qu'il fait ses réflexions, Robert passe la porte en se baissant et la lumière disparaît. « Ceci doit être un mariage secret ou quelque chose de pire. » murmure le flâneur. Difficile de croire à la dernière chose. Elle a le visage d'une femme capable d'une folie, mais non d'une dégradation. Le visage d'une Phèdre plutôt que celui d'une Messaline. J'ai assez vu de la pièce ce soir.